إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. نعم. Si jamais il y a quelqu'un, par exemple un sorcier, qui vient pour montrer la sorcellerie ou là je ne sais pas à quelqu'un ou là faire une démonstration ou là je ne sais pas quoi, si jamais tu lui lis sans qu'il sache ou qu'il ne le sache pas, si jamais tu lis a été coursé avec sincérité et tu sais les sens et le sens de ce que tu es en train de lire, il ne peut jamais faire ce qu'il voulait faire. Car lui, il fait avec qui? Il fait avec le shaitan. Et toi, tu as fait fuir le shaitan. Tu as fait fuir le shaitan. C'est pour ça que il y a un hadith sahih, il y a un hadith sahih que vous connaissez tous dans le Bukhari. Je donne seulement le témoin du hadith, il est assez long, que Abu Huraira, Abdelaziz, c'est quoi des... Ah, désolé. Ou Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé de garder l'alquette. Autrefois, les gens l'ont donné, par exemple à quelqu'un, on l'a gardé dans une chambre, et comme ça, quand il reste par exemple un jour ou là, on l'a fait sortir, un ou deux jours, et on la donne à qui? On la donne aux nécessiteux. Et Abu Huraira a trouvé deux fois une personne en train de voler. Et à chaque fois, il lui dit, je vais dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le lendemain, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai trouvé une personne hier en train de voler, et comme ça. Taïb, maintenant, il n'y a pas de sang. Donc, on attend un peu, inchallah, qu'il revienne. Taïb, c'est revenu. Taïb, maintenant, j'ai choisi comme ça quelqu'un, choisi au milieu. Taïb, Om Seyfouddin. Taïb, Om Seyfouddin, barakallahu fik, dis-nous s'il y a du sang. Maintenant, Allah, il est possible que toi tu as le sang et les autres n'en ont pas. Non, mais ça ne suffit pas. Barakallahu fik. De temps en temps, écrivez-moi numéro 1. Barakallahu fik. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Huraira, lui a dit, ça fait deux jours que je rencontre quelqu'un, dans la chambre où il y a la zakat, il vient et il veut voler. Et je l'attrape et je le lis. Je le lis, le verbe lier. La troisième fois, le troisième jour, quand Abu Huraira est allé dans cette chambre où il y a la zakat, il l'a trouvé encore une fois. Maintenant, il lui a dit, il faut que je te prenne chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'autre lui a dit, relâche-moi barakallahu fik, et je vais t'apprendre quelque chose, de mashallah. Il lui a dit, regarde, ida awayta ila firashik, si le soir tu vas rentrer dans ton lit, quand tu te prépares, tu te mets dans ton lit, faqra ayatul kursi, lis ayatul kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, jusqu'à ce que tu la termines. Hatta tkhtim al-aya, fa innaka lan yazala alayka min Allahi hafiz, wa la yaqrabannaka shaytan hatta tusbih. Si jamais tu fais ça, quand tu vas dormir, tu lis ayatul kursi jusqu'à ce que tu la termines, il y a toujours de Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui te garde. Quelqu'un va te garder, tu es dans la garde d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu te réveilles, premièrement. Et deuxièmement, voilà le témoin du hadith, et le shaitan ne peut pas t'approcher jusqu'à ce que tu te réveilles le matin. Subhanallah al-Azim. Et bien sûr, lorsque Abu Huraira a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, La troisième fois, voilà, j'ai trouvé encore cette personne, elle m'a appris à être coursé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Sadaqaka wa huwa kadhoub. Sah, il t'a dit la vérité, sah a été coursé. Elle l'a, yani c'est bien fait, etc. Mais wa huwa kadhoub, mais c'est un grand menteur. Ensuite, il lui a dit tu sais, c'est qui la personne? Il a dit comme ça, la personne que tu as attrapé trois fois en train de voler, tu sais c'est qui? Abu Huraira a dit non, je ne sais pas, Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est un shaitan. C'est un shaitan qui est venu sous forme humaine, essayer de voler et qui a appris à bourrer à ça. Donc, subhanallah l'adim, qu'est-ce qu'on prend comme avantage? Que, ayat al-Kursi, le shaitan lui-même qui l'a fait apprendre à Abu Huraira reconnaît que quand quelqu'un l'a lit, le shaitan ne peut pas l'approcher jusqu'au matin, quand il l'a lit le soir, juste avant de dormir. Le shaitan lui-même reconnaît qu'il ne peut pas t'approcher jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'on prend aussi comme un deuxième avantage? On prend comme un deuxième avantage que le shaitan lui-même, il peut dire des choses vraies. Le shaitan, il peut me dire des choses vraies. C'est pour ça que la vérité peut être des fois chez le shaitan. Il lui a dit sadaqaka. Sadaqaka, il ne t'a pas menti. Il t'a dit la vérité. Et t'es coursé, c'est comme il a dit lui. Elle fait fuir le shaitan. Mais c'est un grand menteur. Mais on ne peut pas prendre du shaitan parce que c'est un grand menteur. On ne sait pas où est la vérité, où est le mensonge. Et il y a beaucoup plus de mensonges chez lui que de vérité. On prend un autre avantage, c'est quoi? C'est que le shaitan, subhanallah al-azim, connaît Ayatul Kursi, et peut-être tellement il entend les gens la lire contre lui, et c'est bien fait. Allah l'adim, et connaît quel est l'avantage de Ayatul Kursi. Un musulman ne connaît pas l'avantage de Ayatul Kursi. Et le shaitan connaît. Subhanallah l'adim. Le shaitan, l'ennemi d'Allah, des fois il connaît le din mieux que nous. Subhanallah l'adim. Et ceci prouve bien sûr que ce verset lui fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il a été très inquiet, etc. C'est dit que ce verset fait beaucoup, beaucoup de mal au shaitan. Il y a un autre hadith où le prophète Kulli Salah Maktouba لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لم يمنعه دخول الجنة إلا أن يموت. C'est le hadith 6464 dans Sahih al-Jam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque lit Ayatul Kursi après chaque salat obligatoire, je dis bien pas après la nafila. C'est comme après la nafila, il n'y a pas par exemple subhanallah, il n'y a pas le tisbih. Beaucoup de gens croient que c'est la même chose, ils commencent subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ça, il n'y a pas après la nafila. Comme il n'y a pas la lecture de Ayat al-Kursi. Mais le prophète a dit quiconque, s'il fait une prière obligatoire, et quand il termine, il lit Ayat al-Kursi, il n'y a entre lui et le fait de rentrer dans le paradis que la mort. Ça veut dire que il n'y a entre toi et le paradis que tu meurs, c'est tout. Ça veut dire si tu meurs, tu vas aller au paradis. Subhanallah. Si quelqu'un dit « Ayatul Kursi » après une salat obligatoire et il meurt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne ment jamais, qui ne parle jamais de ses passions, lui a garanti le paradis bi-idhnillahi azza wa jalla. C'est dire donc, yani le fadl de quoi? De « Ayatul Kursi ». C'est quelque chose de vraiment azim. Ensuite, peut-être quelqu'un, je dis peut-être, peut-être quelqu'un dira, je l'ai lu plusieurs fois la nuit et le shaitan est venu la nuit. Peut-être quelqu'un dira, ou peut-être beaucoup diront, on l'a lu. Là, on l'a lu plusieurs fois. Ah, on l'a lu, c'est le passé. On l'a lu maintenant. Là, on l'a lu au passé. On l'a lu plusieurs fois et le shaitan, il vient quand même la nuit. Et le dernier qui vient, c'est que des fois, la personne se réveille yani, avec la djanaba. La Djenaba, d'où elle vient? La Djenaba, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est le shaitan, c'est-à-dire il laisse le shaitan faire des choses comme ça. Mais c'est une, la Djenaba, c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'y avait pas la Djenaba, on serait tombé malade. Les gens peut-être seraient tombés malades. C'est, yani, Allah subhanahu wa ta'ala te permet de dégager des choses yani, dont tu n'as plus besoin, qui risquent de devenir une maladie pour toi si ces choses s'accumulent en toi. Mais de par qui? De par l'intermédiaire du shaitan. Il laisse le shaitan yani, te montrer des choses, etc. Ensuite, tu te trouves en Djenaba. Et pourtant, il dit, j'ai lu être coursé la nuit. Comment se fait-il? Je suis en Djenaba. Ou bien j'ai lu être coursé avant de dormir et j'ai passé toute la nuit dans une grande peur. Des criminels avec des couteaux en train de courir. Je me suis vu tomber d'une montagne. Un chien noir a voulu me mordre et des choses pareilles. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire une des deux choses. Ou bien, le hadith donc, qui a dit que le shaitan, si tu l'es être coursé, ne t'approche pas, est vrai et la faute est en toi. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien en toi. Ou bien on va dire, alors c'est le hadith qui n'est pas vrai. Donc c'est toi qui as raison. Donc le hadith est là, il y a une faute dans le hadith. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Et c'est sûr que le musulman dira quoi? Dira non, le hadith est vrai et authentique. Et quiconque la lit, comme a dit le prophète Islam, le shaitan ne l'approchera pas. Donc, la faute est en moi, pas dans le hadith. Ni dans le hadith, ni dans le verset. Je ne doute pas un instant que tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vrai et authentique. Donc, c'est quoi la cause? Pour connaître la cause, il faudrait que vous compreniez ce qui va suivre. Naam. Pour que vous compreniez cela, il faut que vous imaginez, on va la ressembler à peu près, juste pour rapprocher yani, l'idée, on va la ressembler à un sabre, un ennemi devant nous. Maintenant, pour que l'épée fasse son effet et tue l'ennemi, il faut trois. Il faut quoi? Il faut trois conditions. Au moins trois conditions. Naam. Il faut trois conditions. Quelles sont les trois conditions? Barakallahu fikoum pour le numéro un. Quelles sont les trois conditions? Premièrement, il faut que l'épée soit tranchante et bien aiguisée. Si tu me donnes une épée en bois, elle ne va rien faire. Et si tu me donnes une épée qui n'est pas tranchante, qui n'est pas aiguisée, elle ne va rien faire. Donc la première condition, il faut que tu me donnes une épée tranchante, mashallah. Quand je la mets sur la chose, elle la coupe vite. C'est la première condition. La deuxième condition, il faut que celui qui va frapper avec l'épée a une force de frappe. Car tu peux donner une épée très tranchante à un enfant de 5 ans et tu lui dis, tue le lion, frappe le lion. Frappe le serpent avec cette épée. Il ne peut rien faire. Il est faible, miskin. Il a 5 ans. Quand il prend l'épée est plus lourde que dans l'épée, un vieillard de 95 ans qui hein, il marche avec la canne, hein, le dos courbé, et je lui dis, voilà un serpent, tue-le. L'épée est tranchante. Il ne peut pas. Donc la deuxième condition, c'est quoi? Il faut que celui qui frappe soit quelqu'un de fort. Donc, première condition, l'épée tranchante. Deuxième condition, la force de frappe. Troisième condition, et très importante, que beaucoup de gens oublient, il faut que d'empêchement. Comment il n'y ait pas d'empêchement? Naam, il faut qu'il n'y ait pas d'empêchement. Parce qu'il est possible que la chose, par exemple, que je veux frapper, ou là, que je veux yani, frapper avec mon épée, ou la couper, par exemple, disons il y a une pomme et on donne une épée à quelqu'un de très fort. On lui dit coupe la pomme avec l'épée. Mais, pardon, non, coupe la pomme avec l'épée. Mais la pomme, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve à l'air de, par exemple, une boule. Dans la troisième condition, il faut qu'il n'y ait pas d'empêchement. Il faut que la pomme soit visible ne soit pas couverte de fer ou de, et qu'elle soit devant moi et que je puisse la frapper. Si les trois conditions se réunissent, l'épée sera, pardon, fera ce qu'elle doit faire. Elle le fera magnifiquement. Je donne un exemple d'empêchement. Maintenant, ça m'a rappelé une chose, ça m'a rappelé un empêchement. Regardez, il y a un hadith dans le Sahih al-Bukhari. Des barres ont attrapé, j'ai oublié comment il s'appelle, ça fait longtemps que j'ai lu cela. Et ils ont voulu, et même, je crois, ils lui ont dit sa tête. Lui couper sa tête après sa vie, la troisième condition qui est l'empêchement. Et il est mort. Ils l'ont tué avec des couteaux ou là, des sabres, ils l'ont tué. Maintenant, il est là, là des couteaux. Et ils sont forts, mashallah, les kuffars, ils sont un nombre et un grand. Mais gardez l'empêchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un groupe, un essaim, l'abaissé féminin, c'est masculin, ça s'appelle masculin, j'ai oublié comment on appelle ça en français. Ah, la guêpe, naam. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un essaim. Je ne sais pas, des centaines, des milliers de quoi, de guêpes, et le Rao ordonne à Allah qu'elle lui couvre le cou. Allahu Akbar. Quiconque maintenant, qui peut lui et lui enlever la tête, qui prétend des milliers de guêpes, des djoumoud, des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui ont entouré le cou, qui ose et dit moi je peux lui couper la tête. Tu touches seulement avec ton épée une guêpe, c'est toutes les guêpes qui vont te piquer. C'est khlas, tu vas mourir sur le coup. Khlas. Donc tu as, mashallah, l'épée, tu es fort et il y a un empêchement. Le hadith est dans le Bukhari. Tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala exauce son doigt et ils n'ont pas pu lui couper la tête. Naam. Masha Allah, la quwata illa billah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Sheikh Allah a dit, on va passer où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Voilà, le verset va commencer. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Donc, ce verset, comme j'ai dit, il contient tous ses bienfaits. Donc, pourquoi? Parce qu'il contient, comme j'ai dit, des choses qui n'existent pas dans d'autres versets. Beaucoup de choses ici, mashallah, ont été groupées dans ce verset. Parmi ces choses, il s'est fait. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Il a commencé par dire que il n'y a aucune divinité qui mérite la plus importante. Que tu saches que tu n'as été créé que pour adorer Allah et que seul Allah Azza wa Jalla mérite d'être adoré. Naam. Que tu saches cela, c'est masha'Allah. Pourquoi? Parce que ça va faire descendre dans ton cœur une grande sérénité et une quiétude, masha'Allah. Ou ma'nina, ou sakina, et Allah subhanahu wa ta'ala descend la piété dans ton cœur. Yani tu vas vivre, masha'Allah, tranquille. Pourquoi? Tu sais pourquoi tu as été créé. J'ai été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il n'y a que Allah qui mérite l'adoration. Quoi que, yani, beaucoup de choses, ils ne savent plus dans quel sens y aller. Ils sont à droite, ils sont à gauche. Leur cœur, mumazzak, leur cœur est déchiré. Naam. Yani, un morceau de son cœur va à droite, un morceau X, c'est pour Y, mais toi, ton cœur, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Sachant que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de notre adoration. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on l'adore. Il nous a créé pour cela, mais à condition de ne l'adorer que lui. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Il a dit, yani, beaucoup d'eux croire et tout en étant en même temps associateur. Non, ça veut dire qu'il croit, dans la rububiyya, dans la seigneurie, ils sont associateurs dans quoi? Dans l'ulouhiyya, dans la divinité. C'est très malheureux. C'est très malheureux pour beaucoup de croyants, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le verset a commencé par Allahu la ilaha illa huwa. Allahu inya. Allah, c'est son nom. Allahu inya de divinité qui mérite l'adoration sauf lui. Sauf lui. Naam. Voilà le premier nom, Allah. Ensuite, le deuxième nom, il a dit Al-Hayyu. Al-Hayyu, ensuite il a dit Al-Qayyum. Al-Hayyu. Subhanallah al-Azim. Al-Hayy. Allah subhanahu wa ta'ala parle de quoi? Parle de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala est vivant et nous sommes vivants. Mais sa vie ne ressemble nullement à notre vie, ni notre vie à sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala a des mains et nous avons des mains. Il a deux mains et nous avons deux mains. Jamais sa main ne ressemble à notre main. Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux, on a deux yeux. Jamais les deux yeux de Allah subhanahu wa ta'ala ou son œil ne ressemblent à nos yeux. Allah subhanahu wa ta'ala a deux pieds et jamais ses pieds ne ressemblent à nos pieds. Allah subhanahu wa ta'ala rit et jamais son rire ne ressemble à notre rire. Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne et jamais son étonnement ne ressemble à son étonnement. À notre étonnement. Que ça soit dans son entité ou bien dans ses actes et ses attributs. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux, seulement, la ressemblance se trouve seulement au niveau du nom. Nous, on a main, Allah Ta'ala a main. On a pied, il a pied. On a yeux, il a yeux. Ça s'appelle la même chose. Il y a la ressemblance au niveau de l'appellation, c'est tout. Rire, rire, étonnement, étonnement. Il descend, on descend. Mais jamais il n'y a de ressemblance. Jamais, jamais, au grand jamais. Bon, ça vous le savez, c'est juste un Mouradja. Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on parle de sa vie, je disais, ne ressemble en notre vie en rien. Regardez par exemple, la vie de Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fut un temps où il n'était pas, il y avait le néant, ensuite il est venu? Pourquoi? C'est lui le premier. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala viendra un jour où il n'existera plus? C'est lui le dernier. Est-ce que n'a ni début ni fin? Est-ce qu'au milieu il y a une mort pour lui? C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dort, car le fait de dormir c'est la petite mort. On va le voir tout à l'heure inshallah ta'ala, dormir. C'est pour ça qu'il dit dans être aussi, il dit qu'il ne dort pas. Quand tu dors, tu es mort, la petite mort. Est-ce que Allah dort, il a la petite mort? Abadan. Donc regardez sa vie, regardez notre vie. Elle a été précédée de néant. Moi, par exemple, j'ai 55 ans. Je ne sais pas exactement, j'ai 54 ou la 55. Là, à la mois de décembre, je vais compter. Quand j'ai du temps, je vais compter. Mais avant 55 ans, je n'y étais pas. J'étais quoi? J'étais néant. Subhanallah al-Azim. J'étais un an avant, j'étais dans le ventre de ma mère. Mais un an encore auparavant, je n'étais nulle part. Absolument rien. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Insan. Comment ça commence Surat Insan